Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 1er. Les origines. 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 13. L'Empire byzantin du 8e au 11e siècle. Première partie. Les empereurs de la maison isaurienne. Par Charles Bayet. Avènement de la maison isaurienne. Au commencement du 8e siècle, l'Empire grec semblait toucher à sa ruine. En Europe, il était envahi par les Slaves, que souvent il avait lui-même appelés. Il était attaqué par les Bulgares, bien plus dangereux encore que ne l'avaient été les Avars. En Asie et en Afrique, les Arabes, maîtres des plus belles et des plus riches provinces de l'ancien Empire, Syrie, Égypte, Afrique romaine, ravageaient l'Asie mineure et apparaissaient victorieux en face de Constantinople. Si l'Empire, renonçant à consacrer ses forces à la défense de l'Italie, s'était en quelque sorte replié sur lui-même et avait pris un caractère plus nettement grec, du moins fallait-il, pour exploiter cette chance de salut, qu'on vît à la tête de l'État des empereurs prêts à combattre l'ennemi à l'extérieur, à gouverner énergiquement à l'intérieur. Telle fut la tâche de la maison isaurienne, et son fondateur, Léon III, montra, dès les premiers jours de son règne, qu'il était prêt à la remplir. Sorti des basses classes de la population, des expéditions difficiles dans la région du Caucase lui avaient permis, dès le règne de Justinien Rhinotmète, de faire connaître sa valeur. Nommé général des troupes d'Orient par Anastase, il lui était resté fidèle lors de la révolte de Théodose. Et, mérite rare à cette époque, il était parvenu au trône sans trahison, mars 717. Les Arabes avaient profité de l'effroyable anarchie qui troublait l'Empire et paralysait la défense. À peine Léon était-il au pouvoir que le général arabe Maslama, qui avait réussi à s'établir en Thrace, bloquait Constantinople, août 717, tandis que le vizir Soleiman l'assiégeait par mer. L'attaque était bien conçue et bien conduite. Léon ne se découragea pas et força les Arabes à une retraite désastreuse. Cet éclatant succès le rendit populaire, même en Occident. Placé aux avant-postes du monde chrétien vers l'Orient, le nouvel empereur devançait Charles Martel. La querelle des iconoclastes, cause, caractère. Sous Léon et ses successeurs, l'Empire devait être agité par de nouvelles luttes intérieures, plus terribles encore que celles qui avaient précédé. Commencée en 726, la querelle des iconoclastes ne prendra fin qu'en 842. Si l'on interroge sur les empereurs iconoclastes les chroniqueurs byzantins qui nous sont parvenus, il ne faudrait voir dans leur conduite que folie impie et sanguinaire. Pour faire la guerre aux images sacrées, ils n'auraient reculé devant aucune violence. Mais les plus importants de ces écrivains, Théophane, Nicéphore, ont pris une part ardente à la lutte et sont dans l'autre camp. À ne consulter que leurs récits, on s'étonne que d'aussi abominables tyrans aient pu exercer une telle influence. En y regardant de près, on s'aperçoit qu'ils n'étaient point isolés, qu'ils s'appuyaient sur un parti puissant et que leurs projets politiques dépassaient de beaucoup la question des images. Les iconoclastes avaient eu leurs historiens, leurs panégyristes. Malheureusement, ces écrits ont été détruits après la défaite définitive du parti. Du moins, on a découvert et publié de notre temps une partie des lois que promulguèrent en grec les empereurs du 8e siècle, l'Ecloga Leonis et Constantini. On s'est trouvé en présence d'un code civil où tout atteste le travail d'esprits intelligents et généreux. On reconnaît que les empereurs iconoclastes, en dépit du nom qu'on s'est habitué à leur donner, ne se sont pas contentés de faire la guerre aux images. Ils ont cherché à réorganiser la société et l'État, à leur donner plus d'indépendance et de virilité, à apporter un peu d'ordre dans l'incessante confusion des questions politiques et des questions religieuses. Enfin, à limiter les envahissements du monachisme qui de plus en plus absorbait l'Église et dominait le monde byzantin. Leur entreprise a rencontré de notre temps d'ardents apologistes. Peut-être ceux-ci ont-ils exagéré les mérites, dissimulé les violences. Mais ce plaidoyer était nécessaire et permet de juger plus équitablement tout un siècle de l'histoire byzantine. qu'on se rappelle d'abord la situation de l'Empire d'Orient. L'Église y est toute puissante, mais en même temps sans cesse divisée. Ses pouvoirs sont mal définis, par ce fait même qu'ils sont immenses. Elle dirige les empereurs, assure ou ruine leur popularité, mais elle subit leur constante intervention. Le patriarche peut renverser l'empereur, mais l'empereur choisit et dépose le patriarche. De là, des défiances et des luttes continues. L'État trouble l'Église et l'Église trouble l'État. Qu'on remarque aussi la cause ordinaire de ces conflits. C'est le dogme même qui est perpétuellement remis en question. En Occident, le dogme est solidement établi. Les hérésies sont rares et anormales. Elles s'étendent peu. En Orient, elles sont la condition ordinaire de la vie religieuse. L'esprit grec, toujours subtil et curieux, passionné de discussions, ne peut s'arrêter à des solutions définitives. Il s'agit avec autant de mobilité dans le domaine de la théologie qu'autrefois dans celui de la philosophie. À chaque instant apparaît quelque opinion nouvelle sur la nature du Christ. Patriarche, évêque, empereur, moine, peuple se jettent dans le débat avec passion. C'est en vain que l'Église d'Occident proteste et que l'évêque de Rome s'efforce, par ses conseils ou ses anathèmes, de rappeler au respect des traditions ses ergoteurs acharnés. En outre, ce n'est point aux évêques, à la partie la plus éclairée du clergé, qu'appartient la véritable puissance, mais aux moines. Or, ces moines d'Orient n'ont pas l'activité pratique de ceux d'Occident à la même époque. Soustraits aux devoirs de la vie civile, ils accomplissent avec une ponctualité minutieuse d'interminables dévotions. Mais, derrière les murailles de leurs innombrables couvents, leur esprit n'est occupé que de sophismes ou d'intrigues. Ils sont des agents d'émeutes et dirigent la populace fanatique. Entre leurs mains, le christianisme s'est transformé. Ils en ont fait une religion matérielle, fille du paganisme, qui ne parle à la foule que par ses formes extérieures, non par son esprit. Depuis le IVe siècle, ces tendances dangereuses n'ont fait que se développer. Dans les chroniqueurs, les hagiographes, il n'est plus question que des saintes images et des reliques, de leur puissance, des miracles qu'elles accomplissent. Si Héraclius est victorieux, si l'Empire est sauvé, c'est à la sainte image d'Édès qu'on le doit. Ça et là, des esprits éclairés s'inquiètent de ce culte matériel et le blâment. À la fin du Ve siècle déjà, Xénaïas, qui fut quelque temps évêque d'Hierapolis, prêche aux environs d'Antioche la guerre aux images. En 660, aux environs de Samosate, un réformateur du nom de Constantin veut revenir aux formes primitives du christianisme. Ses disciples, les Pauliciens, à cause de leur vénération particulière pour les écrits de Paul, repoussent les dogmes qui ne leur paraissent pas clairement énoncés dans l'Évangile, la hiérarchie ecclésiastique, les formes matérielles du culte. Leurs doctrines eurent du succès en Asie. Elles se répandirent dans les provinces d'Europe et la secte des Pauliciens se maintint pendant tout le Moyen Âge. Il y avait donc chez certains esprits une tendance hostile à l'organisation que le clergé et surtout le monachisme avaient, depuis 3 ou 4 siècles, donnée au christianisme. Ce désir de réforme se manifestait surtout en Asie, où la civilisation était alors plus brillante, les esprits les plus cultivés. Ainsi qu'on l'a justement remarqué, les empereurs iconoclastes furent originaires d'Asie. Ce furent surtout des évêques d'Asie qui les conseillèrent et les appuyèrent. Les légions qui les soutinrent se recrutaient en grande partie en Asie. Si les images furent tout d'abord visées, c'est qu'elles étaient un des moyens d'action du monachisme et comme l'expression la plus sensible de ce culte matériel et superstitieux qu'il propageait. La querelle des iconoclastes se divise en 3 périodes. Dans la première, qui correspond au règne de Léon III, 717-741, de Constantin IV, 741-775, et de Léon IV, 775-780, les iconoclastes sont maîtres et mettent à exécution leurs projets. De 780 à 813, leurs adversaires ont l'avantage, surtout sous la régence, puis sous le règne de l'Athénienne, Irène. Dans la troisième période, les iconoclastes reprennent le pouvoir, avec Léon l'Arménien, 813-820. Il le conserve sous Michel II, 820-829, et sous Théophile, 829-842. Enfin, les images sont rétablies par Théodora, la veuve de Théophile. Léon III et Constantin IV. De tous les empereurs iconoclastes, Léon III et son fils Constantin IV furent les plus remarquables. Ils entamèrent la lutte, réformèrent les institutions. Malgré les invectives des écrivains du parti adverse, tous deux apparaissent comme des empereurs intelligents, actifs, préoccupés de la prospérité de l'État, tels en un mot que l'Orient n'en avait pas vu depuis longtemps. Parvenu au pouvoir grâce à sa valeur, sauveur de Constantinople, Léon n'abandonna point la lutte contre les Arabes. Si, de 727 à 732, ils envahirent la Bithynie, la Cappadoce, la Paphlagonie, l'Arménie, en 740, une armée musulmane fut presque entièrement détruite, près d'Acroïnon, en Phrygie, par l'empereur. Le courage ne manqua pas non plus à Constantin, qui succéda à son père en juin 741. Menacé dès le début de son règne par l'usurpation d'Artabazde, il triompha de cette insurrection et reconquit Constantinople, dont les rebelles s'étaient emparés, 743. En 746, il reprit sur les Arabes des villes de la Commagène. En 748, une flotte musulmane qui avait voulu s'emparer de Chypre fut entièrement détruite. En 751-752, il reconquit Malatia et Esrehoum. En 756, le gouverneur arabe de la Syrie, qui avait envahi la Cappadoce avec 80 000 hommes, battit en retraite sur le seul bruit de l'arrivée de l'empereur. En Europe, en 757, il repoussa les Bulgares et franchit même le Danube. Si les années 759 et 760 furent signalées par des revers, en 763, une victoire éclatante fut remportée, près d'Anchial. Les Bulgares, en 774, demandèrent la paix. Ces faits suffisent à montrer que les nouveaux empereurs furent de bons généraux et, à l'occasion, de vaillants soldats. D'après les récits de quelques chroniqueurs, Léon, encore jeune, aurait promis à des Juifs qui lui avaient prédit l'Empire que, maître du pouvoir, il détruirait les images. Ce n'est là qu'une fable sans valeur. Léon était si loin d'écouter les Juifs que, 4 ans avant son premier édit contre les images, il leur avait enjoint de se faire baptiser. On a supposé, mais c'est une simple conjecture, que l'aversion des musulmans pour les images avait pu exercer en cette occasion une certaine influence. Précisément, en 723, le calife Yézid II en avait ordonné la suppression dans les églises de ses états. Et il est vrai que les partisans de l'iconoclasme étaient sensibles aux railleries des infidèles contre cette forme du culte chrétien. Ce qui est certain, c'est que l'évêque de Nacolie, en Phrygie, Constantin, commença la lutte en condamnant les images dans un synode. En 726, Léon fit paraître un édit dans lequel il déclarait que le culte des images ayant donné naissance à une véritable idolâtrie, il voulait le supprimer. Il avait soin d'affirmer que l'empereur, chef de la religion comme de l'État, avait le droit de réformer de pareils abus. On ne voit pas que tout d'abord la résistance ait été bien vive dans l'Empire, sauf en Grèce et en Italie. Par ce premier édit, d'après un témoignage qui d'ailleurs n'est pas sûr, Léon s'était borné à décider que les images seraient suspendues plus haut dans les églises, afin qu'on ne pût pas les baiser et leur prodiguer des marques d'adoration trop matérielles. En 728, un second édit plus rigoureux les aurait supprimées absolument. Le culte des reliques, les prières adressées aux saints furent également prohibées. Le patriarche de Constantinople, Germain, protesta. Traduit devant le Sénat, il refusa de signer l'édit et renonça à la dignité patriarcale. 730. Une partie de l'épiscopat, les généraux, les hautes classes, étaient, en général, favorables au projet de Léon. C'était chez les moines et dans le peuple que l'opposition était la plus forte, en Orient. Aussi les écrivains parlent-ils de quelques émeutes populaires. Sur la porte du grand palais impérial se dressait une image sacrée du Christ, qui était l'objet d'une vénération particulière. Léon voulut la faire enlever. Les femmes, qui se trouvaient sur la place située en avant du palais, s'ameutèrent, renversèrent l'officier impérial chargé d'exécuter cette mesure et jetèrent des pierres au patriarche Anastase, successeur de Germain. Il fallut dissiper l'émeute, ce qui amena la mort de quelques personnes, des arrestations, des exécutions. Des chroniqueurs, de beaucoup postérieurs, ont accusé Léon d'avoir fait mettre le feu à la bibliothèque publique de Constantinople, parce que les moines qui desservaient l'église qui y était annexée refusaient d'admettre ses doctrines. L'accusation est bien peu vraisemblable. Léon pouvait chasser les moines sans brûler l'édifice. D'ailleurs, il paraît certain que l'incendie même n'a pas eu lieu. Les ménologues grecs, les documents hagiographiques, célèbrent les moines, les fidèles, qui moururent victimes de la persécution. Mais ces documents sont suspects. Un parti opprimé se laisse toujours aller à multiplier et à exagérer ses doléances, et attribue facilement à l'oppresseur toutes les violences et toutes les cruautés. Des faits précis et d'un caractère historique donnent à penser que Léon n'était point si avide de sang. En 727, les habitants de la Grèce et des Cyclades se soulevèrent à l'occasion du premier édit contre les images et nommèrent empereur un certain Cosmas. Deux chefs, Agalianos et Étienne, conduisirent une flotte qui, parvenue près de Constantinople, fut battue par la flotte impériale. L'occasion était belle pour Léon de donner cours à la cruauté dont l'accusent ses adversaires. Il se contenta de l'exécution de Cosmas et d'Étienne, Agalianos étant mort dans le combat. D'ailleurs, les ennemis de Léon ne sont pas toujours d'accord sur les excès qu'il lui reproche. Un de ses plus ardents adversaires, Saint Jean Damascène, prétend que le patriarche Germain fut souffleté et exilé, ainsi qu'un grand nombre d'évêques et de moines. Or, les chroniqueurs Nicéphore et Théophane, également favorables aux images, disent que Germain, après avoir renoncé au patriarcat, se retira dans sa maison paternelle et y passa le reste de ses jours. Les hagiographes écrivent encore que le calife, excité par une fausse accusation de l'empereur, fit couper une main à Saint Jean Damascène, le défenseur acharné des images en Orient, et que celui-ci la recouvra grâce à l'intervention miraculeuse de la Vierge. Or, ni les chroniqueurs, ni Saint Jean Damascène lui-même ne parlent de ce miracle. Ces exemples ne montrent-ils pas quelles légendes ont dû se former contre la mémoire des empereurs iconoclastes ? Les accusations sont plus nombreuses encore contre Constantin IV, à qui ses adversaires donnèrent le surnom injurieux de « copronyme ». Peut-être sont-elles plus justifiées. Les résistances croissantes que rencontrait l'empereur augmentaient sa passion et le portaient à de véritables excès. Les moines surtout, qui dirigeaient l'opposition, furent victimes de leur résistance à l'empereur. Le haut clergé était animé d'autres sentiments. En 754, Constantin convoqua tous les évêques d'Orient à un grand concile qui devait statuer définitivement sur la question. 338 évêques répondirent à cet appel. Il est trop aisé de dire avec Le Beau qu'ils étaient esclaves de la faveur ou de la crainte. On ne voit pas qu'ils aient voté en toute hâte ce que voulait Constantin. Le concile dura du 10 février au 8 août, ce qui suppose des délibérations sérieuses. Il proscrivit les images, mais il maintint l'invocation de la Vierge et des saints, contrairement, paraît-il, au désir de Constantin. Germain, l'ex-patriarche de Constantinople, Georges, métropolitain de Chypre, et Jean Damascène furent frappés d'anathème. L'empereur prit encore d'autres mesures qui attestent son hostilité contre les moines. Plusieurs couvents de Constantinople furent fermés, notamment ceux des Dalmates, de Studium, de Calistrate, de Maximin. On les transforma en casernes, en édifices publics, et les gouverneurs des provinces reçurent ordre d'agir d'eux-mêmes. Léon et Constantin estimaient sans doute que le nombre croissant des moines, l'importance de leurs propriétés, menaçait la société à qui on enlevait des bras, des terres, de l'argent. À Constantinople et aux environs, Constantin établissait des Asiatiques qui appartenaient à la secte des Pauliciens et qui étaient favorables à ses idées. Sans aller jusqu'à dire que Léon et Constantin ont voulu constituer un État laïque, il est permis d'affirmer qu'ils songèrent à diminuer l'influence de l'Église sur la marche des affaires. Si nous possédions toute leur constitution, on y rencontrerait sans doute l'expression de cette politique. Du moins, dans le code rural, le code civil, qui furent promulgués sous Léon et Cloga en 740, on constate de sages efforts pour modifier la situation de la société orientale et la délivrer de quelques-uns des maux dont elle souffrait. La loi protège les communautés rurales. Il n'est plus question du patronat, souvent mentionné par la législation justinienne, qui obligeait nombre de petits propriétaires à payer, outre l'impôt au fisc, une redevance aux grands propriétaires dont ils recherchaient la protection. Le cerf n'est plus attaché, semble-t-il, à la glèbe. Le paysan libre qui s'enfuit n'est plus réintégré sur sa terre. Il a la liberté d'aller et de venir. La constitution de la famille est fortifiée. Le concubinat, qu'admettait la législation de Justinien, n'est plus toléré à côté du mariage. Les droits de la mère sont admis, la puissance paternelle limitée, les cas de divorce restreints. Ces dispositions plus conformes à l'esprit du christianisme étaient à l'avantage de la société. On doit tenir compte de la sagesse de cette législation dans le jugement qu'on porte sur les empereurs iconoclastes. Ce n'est pas à dire qu'on puisse approuver l'ensemble de leurs projets. Si même on fait abstraction des excès auxquels ils furent entraînés, on doit observer qu'ils retombaient fatalement dans les défauts qu'ils voulaient peut-être corriger. Tout en désirant, semble-t-il, empêcher la confusion constante de la religion et de l'État, ils s'arrogeaient, comme leurs prédécesseurs, le droit de gouverner l'Église. Deux religions se trouvaient en présence, celle des empereurs et du parti qui entendait supprimer des formes considérées comme idolâtriques. Celle du peuple qui, dans les provinces d'Europe surtout, s'attachait obstinément au culte des reliques et des images, et sous l'influence des moines, devenait de plus en plus hostile aux projets impériaux. Léon et Constantin eurent le tort de ne point tenir compte des traditions et des habitudes. Le goût des arts appliqués à la religion, qui s'était transmis du paganisme au christianisme, faisait à ce point partie de l'esprit grec qu'il lui était impossible de concevoir un culte sans image. En attaquant trop brusquement les sentiments populaires, ils les exaspérèrent. Cette politique dangereuse eut un autre résultat mémorable. Elle sépara l'Occident de l'Orient. L'Italie catholique s'insurgea. Ses milices battirent les soldats de l'exarque de Ravenne. Contre les empereurs iconoclastes, en même temps que contre les Lombards, la papauté chercha un protecteur au-delà des Alpes. Elle fit de Pépin un roi en attendant qu'elle fît de Charlemagne un empereur. Les échecs de Léon et de Constantin, l'opposition toujours plus vive à laquelle ils s'étaient heurtés, semblent avoir découragé leurs successeurs. Constantin IV mourut en septembre 775. Si Léon IV ne désapprouva point les iconoclastes, il ne poursuivit pas aussi énergiquement la lutte. Sa femme, l'Athénienne Irène, était à la tête du parti adverse. Se croyant sûre de la victoire, elle introduisit des images jusque dans le palais. Léon IV, irrité, fit fouetter et emprisonner plusieurs hauts fonctionnaires accusés d'avoir secondé Irène. Elle-même fut exilée en février 780. Au mois de septembre, Léon IV mourait d'un charbon à la tête après s'être orné d'une couronne qui avait été consacrée par l'empereur Maurice dans Sainte-Sophie. La réaction. Le concile de Nicée, Irène. Alors éclata une réaction violente. Constantin V n'avait que 10 ans. Irène régna sous son nom. À l'extérieur, son gouvernement ne fut pas heureux. Après plusieurs défaites, elle dut signer, avec le calife Haroun el-Rachid, une paix par laquelle l'Empire s'engageait à payer un tribut annuel de 70 000 pièces d'or, 783. À l'intérieur, les iconoclastes furent dépouillés des grandes charges publiques. Tarasius, nommé patriarche de Constantinople, eut mission de convoquer un concile œcuménique dans la capitale. Ce qui se passa prouve bien que les idées de Léon et de Constantin comptaient de nombreux partisans. Beaucoup parmi les évêques, qui se trouvaient réunis, condamnaient les images. Il en était de même des soldats de la garde impériale qui, La veille de la première séance, s'ameutèrent en criant « Point d'image, point de concile, mort à quiconque osera porter atteinte au concile célébré par l'ordre de notre défunt empereur. » Le jour suivant, ils entrèrent dans la salle des séances et dispersèrent les évêques. Il fallut qu'Irène licenciât la garde impériale et convoquât le concile à Nicée, septembre-octobre 787. Cette fois, elle atteignit son but. Des évêques iconoclastes abjurèrent la cause qu'ils avaient soutenue. Les images furent rétablies, mais on en défendit l'adoration. Les événements montrèrent cependant que l'autorité d'Irène n'était point aimée. On s'indignait de la sujétion où elle maintenait son fils, de la faveur qu'elle accordait à l'eunuque, Stauras, qui avait assuré la tenue du concile de Nicée. En 790, les troupes se soulevèrent contre elle et la dépouillèrent du pouvoir. Rétablie par son fils, janvier 792, qui avait échoué dans deux expéditions contre les Bulgares et les Avars, elle vit se former contre elle de nouvelles émeutes. Jusqu'au jour où cette femme intelligente, mais chez qui l'ambition semble avoir éteint tout autre sentiment, ressaisit la plénitude du pouvoir en faisant aveugler le malheureux Constantin, août 797. Son nouveau règne fut court, troublé par les factions. Elle fut détrônée par le grand logothète Nicéphore, qui devint Nicéphore Ier, octobre 802. Le nouvel empereur paraît avoir représenté un parti modéré qui, tout en répudiant les violences des iconoclastes, voulait maintenir leurs réformes politiques et civiles. Les biens de l'Église, qui jusqu'alors ne payaient que l'impôt foncier, furent par lui soumis aux mêmes charges que les autres propriétés. Quelques-uns furent confisqués. À diverses reprises, il s'attaqua aux moines, qui voulaient reprendre leur ancienne influence, notamment quand il nomma patriarche Nicéphore, partisan des images, mais qui n'avait point pour lui le parti monastique. Ni ce règne, ni celui de ses successeurs, Stauras, 811, et Michel Ier, Rangabé, 811-813, n'ont une grande importance dans l'histoire de l'iconoclasme. Michel était favorable aux images. Il se réconcilia avec Rome. Mais on voit par des faits précis que le parti adverse ne renonçait pas à la lutte. L'empereur dut sévir contre les policiens dont les doctrines se propageaient. La Thrace et la Macédoine étaient pleines d'iconoclastes qui complotaient contre lui. À Constantinople même, ils s'agitaient. Il fallut les chasser, agir par persuasion sur l'armée qui leur était favorable. Ils allèrent jusqu'à organiser une émeute autour du tombeau de Constantin IV, affectant de croire qu'il en sortait pour sauver l'Empire contre une invasion bulgare, 813. Du côté de l'Occident, l'alliance des papes et des francs se fortifiait encore aux dépens de l'Empire. Vainement l'orthodoxe Irène avait prodigué au pape Adrien les marques de déférence, vainement elle avait songé quelque temps à marier son fils Constantin à la fille de Charlemagne, Rotrude, 781. En 800 à Rome, le pape Léon III couronnait Charlemagne, empereur. Charlemagne, dit-on, afin de consolider sa situation nouvelle, aurait songé à épouser Irène. Les chroniqueurs francs, toutefois, ne parlent point de ce projet. Et avant que l'ambassade franque, qui avait été envoyée à Constantinople, eût pu aboutir à aucun résultat, Irène était détrônée. En 803, des négociations avec Nicéphore échouèrent également. Charlemagne prit alors une attitude hostile. Il protégea Venise, les villes de Dalmatie qui se dérobaient à l'autorité de Constantinople. Venise s'étant ensuite retournée vers l'Orient, un des fils de Charlemagne, Pépin, la contraignit à la soumission. Mais une flotte grecque l'empêcha de poursuivre ses succès. 809-810. Enfin, en 812, la paix fut conclue avec Michel Rangabé. La cour de Constantinople reconnaissait à Charlemagne le titre d'empereur, Basileus, et lui abandonnait la Dalmatie intérieure. Venise, quoique rattachée à l'Empire d'Orient, devait payer un tribut annuel au roi d'Italie. Arsaphius et deux autres ambassadeurs grecs vinrent à Aix-la-Chapelle, où Charlemagne signa le traité. Hamalard, archevêque de Trèves, et l'abbé Pierre furent envoyés à Constantinople pour recevoir la copie signée par l'empereur grec, L'avènement d'un nouveau souverain à Constantinople amena encore des complications, et le traité ne fut définitivement confirmé que sous Louis le Débonnaire. Dans le sud de l'Italie, les ducs lombards de Bénévent, qui avaient plusieurs fois noué des intrigues avec la cour de Constantinople, durent se reconnaître tributaires de Charlemagne. Dans la lettre qu'il écrivit à Michel Ier, Charlemagne employait les expressions d'empire d'Occident et d'empire d'Orient. Les Grecs n'acceptèrent jamais sans retour cette humiliation. Basile Ier, plus tard, contesta le titre impérial à Louis II. Nicéphore Phocas le contesta à Otho Ier. Quand la chancellerie impériale n'était point contrainte de se faire humble, elle appelait l'empereur d'Occident non point Basileus, mais Rex. Fin de la querelle des iconoclastes. Avec Léon V l'Arménien, 813-820, la lutte recommença en Orient. Le patriarche Nicéphore, qui refusa de céder, fut déposé. Théodore, abbé de Studium, le chef de la résistance aux iconoclastes, fut exilé. Défense fut faite aux évêques, partisans des images, de se réunir entre eux. Et un nouveau concile, convoqué en 816, adopta les décisions de celui de 754. Il serait sans intérêt d'entrer dans le détail d'événements dont le caractère général ne varie pas. Léon V est assassiné, 820. Après lui, Michel II, le bègue, cherche à suspendre la lutte. Son fils Théophile, 829-842, la reprend. Cette fois, aucun ménagement ne fut gardé, et Théophile, exaspéré, décréta la fermeture de tous les couvents dans les centres habités, 836. La persécution fut violente, mais comme il arrive souvent, ces excès, ne triomphant point de la résistance, amenèrent une sorte de lassitude. À la mort de Théophile, sa femme Théodora, maîtresse du pouvoir, rétablit les images. Au commencement de 842, une grande fête marqua le terme de la lutte et la défaite des iconoclastes. Du mont Olympe, du mont Ida, du mont Athos, les moines accoururent à Constantinople. On célébra l'office dans Sainte-Sophie, magnifiquement ornée, et un grand banquet réunit les évêques auprès de l'impératrice. La secte iconoclaste subsista encore après 842, ainsi qu'on le voit par les actes du 8e concile œcuménique de Constantinople, 869-870, mais sans force et à l'état de persécuter. Cependant, l'œuvre des iconoclastes ne disparut pas entièrement. Leurs réformes civiles ne furent pas toutes supprimées. Le parti monastique, bien que victorieux, ne reconquit pas d'abord une domination exclusive. Les secousses même qui avaient agité l'Empire contribuèrent dans une certaine mesure à y faire pénétrer une vie nouvelle, et l'époque qui suivit fut signalée par une véritable renaissance politique, militaire, littéraire, artistique.